Radiomatique. Amorcer la transmission 406 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du projet suédois Lonely Deer. De son sixième album All Music, paru en 2011, nous entendions la chanson Largo. C'est la musique de la formation anglaise Tongue qui assure maintenant la continuité à Audiomatique. Picture of your time. if you like, but me, the details drew in my mind. We need to feel absolutely wrapped in your glove. Lie back and listen as I reach you, my love. Audiomatique, nous entendions le groupe britannique Fields of the Nephilim. Nous vous avons présenté la chanson Endemoniada, tirée de son deuxième album, The Nephilim, sorti en 1988. Précédemment à Fields of the Nephilim, c'était bien sûr Miles Davis, de son album Sketches of Spain, lancé en 1960. Il nous interprétait la pièce Solea, qui a été composé par Gil Evans. Et ce qui amorçait cette séquence musicale était la musique du groupe anglais Tongue, soit la chanson The Wind Up Bird, extraite de son deuxième album, Comments of the Inner Chorus, paru en 2006. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le défunt groupe anglais Talk Talk. Thank you.

Il s'agissait à Audiomatic du groupe anglais Talk Talk qui nous offrait les trois pièces qui ouvrent son album Spirit of Eden, sorti en 1988, soit les chansons The Rainbow, Eden et Desire. En conclusion de cette transmission 406 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous présenter la musique de la formation britannique The House of Love, tirée de l'album compilation A Spy in the House of Love, paru en 1990 et qui comprend des pièces inédites ainsi que des B-sides remaniés. Nous entendrons la chanson Ray. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc The House of Love et la chanson Ray. C'était Audiomatique avec les sonoristes.